et les habitudes. Nous faisons ici en chance. Fait des familles, nous on s'est l'âme. Sous des pour en même destin. Anti-fille, anti-garçon, jodi. Qu'on critique, ça nous fait du bien. Alors faut pas oublier. Chaque jour c'est ensemble.